Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici le sommaire de ce journal. Des chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël ce 25 décembre. Certains habitants des provinces Gitega rapportent des difficultés de célébration, de même que ceux de la province Muramvya, suite au contexte de la flambée des prix des produits. Reportage à suivre. Et le projet de modification du budget général de l'État, exercice 2024-2025, a été adopté par l'Assemblée nationale ce mardi. Vous entendrez certaines innovations. Et des étudiants de l'Université du Burundi souhaitent que les départs du personnel enseignant de cet établissement soient bien traités. Ils estiment qu'ils en paient le prix énorme. Vous les entendrez. Et dans la chronique parle, rassure-moi, un expert historien, Aloïse Batungwanayo, explique la nécessité de parler de la vérité au sujet du passé douloureux. Dans tous les cas, il démontre que la vérité blesse, mais constitue une voie de réconciliation. Voilà le sommaire de ce journal. Eiko Imana assure la mise en onde. À la présentation, Jean de Dieu Irakoze. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal. Certains habitants de la capitale politique Gitega disent qu'ils ne célèbrent pas convenablement la fête de Noël suite à la hausse des prix des denrées alimentaires et leur pouvoir d'achat. Ils font allusion au riz dont le prix varie de 4700 francs burundais à 6000 francs burundais selon la qualité et le prix de la viande de vache ayant passé de 26000 francs burundais à 30000 francs burundais le kilogramme. Ils évoquent aussi la pénurie du carburant et des produits Brahodi. Gérard Nibigira pour plus de détails. Certains habitants de la province de Gitega indiquent qu'ils ne peuvent pas célébrer la fête de Noël comme il faut suite à la hausse des prix des différentes marchandises dont les denrées alimentaires de première nécessité, mais aussi suite à la paupérisation qui ne cesse d'augmenter. Ils disent que la hausse du prix des denrées comme le riz et la viande de vache fait que ce n'est pas tout le monde qui peut les acheter aisément ce jour de Noël. À propos de la coutume d'acheter des habits neufs de Noël pour les enfants, une femme est rencontrée au parking des véhicules de transport en commun de Gitega nous a révélé que faute de moyens, elle a acheté un vêtement de 5000 francs bou et des chaussures de 10000 francs bou pour seulement un de ses enfants, laissa de côté ses autres enfants. C'est au moment où un homme est rencontré à ce même endroit, a dit qu'il a acheté les vêtements les moins chers possibles pour ses enfants suite aux moyens limités et à la cherté de ses vêtements. Et dans le domaine de transport, ce jour de Noël, un homme est rencontré au parking de véhicules de transport en commun de Gitega, qui travaille à Gitega, mais ayant sa famille dans sa province natale de Changuzo, a fait savoir qu'il doit payer 30 000 francs bou pour arriver chez lui en voiture taxi de transport en commun de type Probox parce qu'il n'a pas pu trouver un bus de l'agence de voyage qui respecte les tickets officiels faute de carburant de type mazout. Le ticket officiel Gitega Changuzo dans un bus est à 9500 francs. Cela étant, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont très récemment beaucoup augmenté. Le prix d'un kilo de viande et de vache passant de 26000 francs bou à 30000 francs bou. Le prix du riz varia de 4700 francs à 6000 francs bou le kilo selon la qualité. Au moment où pas mal de gens partagent un verre le jour de Noël et préfèrent les boissons produites par la Brahodi, plus d'un grogne car ces boissons n'existent presque plus. De donc, ceux qui ont des moyens consomment des boissons importées et d'autres se rabattent aux boissons locales, tandis que d'autres consomment les boissons produites dans les provinces de Kayanza et Ngozi. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. De Gitega, rendons-nous dans la province Muramvya où certains habitants des communes Kiganda et Muramvya disent que la célébration des fêtes de fin d'année est difficile suite à la spéculation opérée durant cette période. Le gouverneur de la province Muramvya, Ephraim Ndikumasabo, indique qu'ils ont tenu des réunions pour prendre des mesures à l'endroit des commerçants qui spéculent sur les prix de transport ou des produits Brahodi. Il appelle la population à dénoncer ces pratiques. Reportage d'Ornella Mucho. Pendant les jours de fête de fin d'année, les prix sont habituellement en hausse, notamment les prix de denrées alimentaires, les prix de transport et les prix des produits de Braroudi. Certains habitants des communes Mulamvya et Kiganda dans la province Mulamvya indiquent que cela les empêche de célébrer ces fêtes de fin d'année comme souhaité. Et ceux qui travaillent loin de leur famille disent que cela les empêche de rentrer dans leur famille suite au prix élevé des tickets de transport, surtout pendant ces jours de fête de fin d'année. Des fois, on se lamente de cette hausse des prix exagérée, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Et on manque de quoi faire. Je pense que les commerçants haussent les prix suite aux conditions de transport de leurs produits liées au manque de carburant. Toutefois, il faut que le gouvernement puisse augmenter de vigilance pour surveiller s'il n'y a pas de commerçants qui spéculent sur certains produits. Le gouverneur de la province Mulamvya, Ekrem Dikoumassabou, indique que des mesures ont été prises concernant des sanctions à l'endroit des commerçants qui vont augmenter les prix sans raison valable. En fait, pour juguler ce problème, nous avons tenu une réunion avec nos partenaires de sécurité, avec les différents chefs de service et avec l'administration communale. Donc pour les inviter à prendre des mesures idoines de sanctionner toute personne qui va rehausser les prix. Nous avons pris la décision de fermer tous les bistrots, tous les débits de boissons qui seront appréhendés dans ces délits. Mais aussi nous invitons la population à dénoncer parce que si la population ne dénonce pas, l'administration ne peut pas connaître celui qui a rehaussé, celui qui n'a pas rehaussé. Mais aussi, au niveau de notre province, on a vu qu'il y a une forme de spéculation. Il y a des gens qui vont à l'OBR pour payer une licence d'exploitation modèle B et C pour en fait avoir cette opportunité de rehausser le prix et de collecter toutes les boissons qui se trouvent aux alentours, afin de contraindre la population d'aller acheter dans ces endroits-là. Et on a pris la décision de retirer ces licences qui ne sont pas conformes parce que celui qui demande le modèle, il doit avoir un bar modèle qui respecte les normes au niveau de l'aménagement, au niveau de l'hygiène, au niveau de service. Il en est de même pour ceux qui haussent les prix de transport. Nous avons commencé à les traquer au niveau de la RNE, au niveau de la RNE2. Et quant à la hausse des prix des denrées alimentaires, ils trouvent que c'est lié au déséquilibre entre la quantité disponible et la demande, d'où il interpelle sa population de produire plus pour faire face à ce problème. Entre-temps, à Bururi, deux conducteurs des véhicules assurant le transport en commun sur les axes Bururi-Rumonge et Bururi-Makamba ont été sanctionnés par une amende de 500 000 francs burundais chacun pour avoir vu à la hausse le prix du ticket de transport. De Bururi à Rumonge, le chauffeur puni exigeait une somme de 10 000 francs burundais au lieu de 6 000 francs burundais selon les sources policières à Bururi. Les motivations avancées par ces derniers n'ont pas pu convaincre l'administration à Bururi qui appelle plutôt les passagers à toujours dénoncer ces cas de spéculation. Zenon Zambimana pour les détails. Le premier conducteur à qui la police de roulage de Bururi a infligé ce lundi une amende de 500 000 francs burundais et celui d'un véhicule de type Probox assura le transport en commun sur la route Bururi-Makamba qui exigeait une somme de 15 000 francs burundais de tickets de transport alors que le prix fixé par le gouvernement est 5 000 francs burundais par personne pour ce trajet selon les sources policières à Bururi. Le deuxième qui a été puni le même jour est un conducteur d'un véhicule de type IAS qui assurait le transport des personnes sur la route Bururi-Rumonge. Celui-ci exigeait à ses clients de payer une somme de 10 000 francs burundais au lieu de 6 000 francs burundais connus selon les mêmes sources. Les passagers qui les ont dénoncés ont vivement salué l'intervention de la police de roulage et demandent que cela continue pour décourager ces cas de spéculation. Certains de ces conducteurs de véhicules assurant le transport en commun avec qui nous sommes entretenus expliquent que la non-disponibilité du carburant aux différentes stations est à l'origine de la hausse de ces prix de tickets de transport pour récupérer l'argent utilisé dans l'achat du carburant au marché noir où une bouteille contenant un demi-litre d'essence s'achète à un prix variant entre 20 000 et 25 000 francs burundais. Cette hausse du prix de tickets de transport est la conséquence de la hausse des prix des pièces de rechange des véhicules, ajoutent d'autres chauffeurs. Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, dit que leurs explications ne sont pas du tout fondées. Cette autorité administrative conseille aux conducteurs de ces véhicules assurant le transport en commun à couper court avec ces cas de spéculation, à respecter les prix tels que fixés par le gouvernement. Au cas contraire, ils seront toujours punis. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. vision de l'avenir. Je vous le disais dans les titres, adoption ce mardi du projet de loi de finances rectificatives exercice 2024-2025 par l'Assemblée nationale. Dans son exposé des motifs, le ministre des Finances a relevé notamment l'exécution des projets phares bénéfiques à la population. Certains députés plaident pour leur priorisation selon les fonds disponibles. Omer Ndouaye. Présentant ce projet de loi, le ministre des Finances explique aux élus du peuple la raison d'être de la modification de cette loi portant fixation du budget général pour l'exercice 2024-2025. Nestor Naonouye indique qu'il s'agit question de privilégier les projets phares, très bénéfiques à la population. Les financements de certains projets ont été revus à la hausse et d'autres à la baisse selon les priorités. Par ailleurs, de nouveaux projets ont été ajoutés alors que d'autres qui ne sont pas urgents ont été rayés. C'est tout simplement pour une bonne gestion des fonds disponibles. Une explication qui ne satisfait pas l'honorable Lazare Mvuyekure qui s'inquiète du pourquoi l'incompatibilité des projets élaborés et la gestion des fonds alloués à ces derniers. Son collègue Pamphile Maraïka lui trouve que les problèmes résident plutôt au manque de devises. Il veut savoir néanmoins la stratégie que compte adopter le ministère pour équilibrer le taux de change à la BRB et au marché parallèle. Je constate que le ministre sortant a été remplacé avant de mettre en application la stratégie qu'il nous avait promise concernant l'équilibre des taux de change entre la Banque centrale et le marché parallèle. Où en êtes-vous? Ici, la réponse du ministre semble échappatoire. Selon lui, l'augmentation des productions est le seul moyen. Une autre question qui a été soulevée par les députés est liée à la carte d'assurance maladie, laquelle va bientôt être obligatoire pour tous les ménages, signale le ministre, indiquant que ça va faire entrer à peu près 3 milliards de francs burundais dans le trésor public. Partant des dettes du gouvernement dans différents hôpitaux, les élus du peuple veulent savoir si réellement il sera à même d'honorer cette assurance pour tous les Burundais. Ici, le ministre Nestor Naonouye rassure qu'il n'y aura pas problème à la question du contrat d'extraction minière entre le gouvernement burundais et les sociétés compétentes récemment analysé par le Conseil des ministres qui entrera dans le trésor public 20% des revenus alors que les sociétés d'extraction gagneront 80%. L'honorable Ephrasie Mutezinga considère ça comme une perte pour le Burundi. Mais le ministre tranquillise. À propos du contrat d'extraction des mines, le Burundi ne gagnera pas 20% seulement. Peut-être que vous allez le constater dès la sortie du décret. Nous l'avons analysé dans le Conseil des ministres, mais vous allez le constater au moment opportun. Après analyse, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité. Page éducation à présent, certains étudiants de l'Université du Burundi disent déplorer les départs du personnel enseignant de cet établissement. Ils témoignent qu'il s'agit d'une perte pour eux et pour le pays et avancent que leur départ serait lié à leur considération par rapport à leurs confrères de la sous-région, surtout pour ce qui est du salaire. Au moment où le recteur de l'Université du Burundi a récemment annoncé une quarantaine partie cette année, ces étudiants souhaitent que leur cas soit bien traité pour qu'il n'y ait plus de fuite de cerveau. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction. C'est une perte pour l'université du Burundi car les professeurs de notre université sont très qualifiés et c'est des fois difficile de trouver les remplaçants. Pour qu'un professeur puisse arriver à cet grade, c'est qu'il a fourni beaucoup d'efforts. C'est difficile pour eux de savoir qu'un bachelier fonctionnaire puisse avoir un salaire au-dessus du sien. Normalement, un professeur d'université est une personne respectée car il contribue beaucoup dans le développement du pays. Dans les pays développés, un professeur est parmi les personnes les mieux payées. Mais ce n'est pas le cas ici au Burundi. On peut trouver une personne travaillant pour une entreprise X mieux payée que le professeur qui passe ses journées en train de jongler dans différentes universités. C'est décourageant pour nous car nos aînés qui étaient censés prendre les devants quittent le pays. Je Je demanderai qu'ils comparent le salaire des professeurs des autres pays par rapport à ceux d'ici, qu'on les rétablisse par rapport à leur niveau. Qu'aucun bachelier fonctionnaire n'ait un salaire au-dessus de celui du professeur. Que les lois soient mises en application pour tout le monde. Parle, rassure-moi. La vérité blesse ceux qui ne la connaissaient pas, mais également les auteurs des crimes qui voulaient la cacher. Cependant, elle reste une voie de réconciliation. Explication d'Aloïse Batungwanayo, expert historien des habitants de la Corine Kilambi, en commune Boeru de la province Ruyigi, affirme que les auteurs des crimes ont peur de l'avouer. De son côté, Diane Nibitanga, administrateur communal de Boeru, affirme qu'avec la soprade Caritas Ruyigi, les auteurs parviennent à demander publiquement pardon. Chronique par les Rassure-moi est signée Mireille Kanyang. Selon ces habitants de la commune Bweru, c'est vrai que la vérité blesse. L'auteur d'un crime a toujours peur. La vérité blesse deux catégories de personnes, les victimes et les auteurs, expliquent Aloïse Batungwanayo, expert historien, qui ajoute que la vérité ne peut être dite en période de troubles. Il faut comprendre qu'il y a deux groupes. Lorsqu'il y a deux groupes dans un passé conflictuel, il y a des gens qui ont été victimes qui ne connaissent pas la vérité. Il y a l'autre groupe qui connaît plutôt la vérité, mais qui veut la cacher. Et donc, pour le premier groupe qui cherche la vérité sans y parvenir, lorsque la vérité tombe d'un coup et ce groupe peut chercher à se venger. Mais ici au Burundi, les exemples sont légion. Lorsque la vérité éclate au grand jour, ces personnes ou ces personnalités qui sont pointées du doigt devraient d'abord éviter de jouer les personnes au lieu de jouer la balle. Mais plutôt, il faut s'attaquer à la vérité qui a été dite. Normalement, il faut qu'il y ait un calme. Il ne faut pas essayer de dire la vérité pendant les moments de trouble. Pour cet expert, il faut préparer les gens à recevoir la vérité en commençant par leur conscientisation. Il faut conscientiser les gens, préparer les gens à recevoir la vérité. Parce que même le groupe qui se considère ou le groupe où on trouve les victimes et les familles des victimes, lorsque ce groupe n'est pas préparé, peut organiser une vengeance contre le groupe qui a commis ces crimes. Et là, on ouvre malheureusement la boîte de Pandore et c'est le cycle de violence qui commence. Et Dieu seul sait qui pourra arrêter ce cycle de violence. De son côté, Diane Nibitanga, administrateur de la commune Bweru, affirme qu'en s'approchant des auteurs des crimes, la vérité peut être connue et ils peuvent publiquement demander pardon. Une action facilitée dans sa commune par la soprade Caritas Ruyigi. Aloïse Batungwanayo, expert historien, rappelle que la vérité guérit l'auteur, la communauté, voire le pays. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui l'a mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Jean de Dieu, Irakoze. Joyeux Noël.